5h30 du matin, les premières lueurs de l'aube éclairent la plage de Georgica encore déserte. Ce 4x4 qui s'avance sur le sable, c'est celui de Xavier. Ce Français originaire de Bordeaux s'est installé dans les Hamptons comme coiffeur. C'est dans ce petit coin de paradis qu'il aime commencer ses journées avant d'aller travailler. C'est juste pour le plaisir, c'est que du plaisir. Et voilà. C'est ça que j'adore. La surprise, ça dure un millième de seconde. Voilà. Bon, c'est un petit, hein. Ça se garde pas. Ça se relâche. Après une petite heure, les pieds dans l'eau, Xavier termine sa partie de pêche, gonflé à bloc. J'ai la super belle vie, bien sûr. Je suis hyper heureux. Ça vaut le coup ici. Je me fais pas chier. Non, c'est top, c'est top. Il y a la mer, il y a le boulot. Il y a les nanas. Voilà. C'est tout. Ça vaut le coup. Voilà. Allez. Apprenti dès l'âge de 13 ans, Xavier n'aurait jamais imaginé qu'il coifferait un jour l'élite new-yorkaise dans les Hamptons, l'un des endroits les plus huppés de la planète. Les Hamptons, c'est une micro-région à 3 heures seulement du tumulte de New York. Situé à l'extrémité de la presqu'île de Long Island, ce petit coin de campagne et de mer est devenu en 20 ans le lieu de villégiature favori des plus grosses fortunes américaines. Des stars comme Robert De Niro ou Madonna y possèdent une maison et Barack Obama y passe ses vacances. Partout, des propriétés à couper le souffle. Parmi elles, l'une des plus chères au monde, estimée à 250 millions d'euros. Elle appartient à un richissime industriel américain et compte 6000 mètres carrés, 29 chambres et 39 salles de bain. Mais attention, ici, pas de bling-bling ni de luxe tape à l'œil. Ce que les millionnaires recherchent avant tout, c'est la tranquillité et l'authenticité. Ils se promènent en basket et en tongs, ressemblent à monsieur ou madame tout le monde. Mais ils sont traders ou hommes d'affaires influents. Ils ont leurs codes et leurs petites habitudes, comme de laisser leurs chaussures à l'entrée de la plage. Une poignée de Français ont conquis cet Eldorado pas comme les autres. Comme Marie, businesswoman multicasquette. Put some green. Shit. Put some green with it. 4-3. Come on, man, faster. Pour réussir, Bérangère a choisi l'immobilier. Elle travaille dans l'une des agences les plus prestigieuses des Hamptons. Vous aimez la maison ? Elle est fabuleuse. Vous aimez la maison ? Elle est géniale. Ici, la French Touch fait un tabac et Pierre, le restaurateur, en est l'ambassadeur le plus populaire. Ouais, j'ai fait un dîner avec 12 personnes. Ils avaient au bar, ils avaient un bar de caviar. Ces Français sont devenus les chouchous des Hamptons, l'un des endroits les plus riches et décontractés des États-Unis. Xavier le coiffeur s'est installé à Sagarbor, le port de plaisance des Hamptons. C'est dans ce petit coin des États-Unis ultra privilégié que ce fils d'immigré espagnol a construit son succès. Et vit aujourd'hui son rêve américain. Il y a du pognon, puis quelque part, ça fait du bien, mais bon, j'ai pas oublié mes origines, quoi. Je suis né pauvre et j'ai vécu en train de manger des pâtes avec 6 frères, une sœur. Je travaillais dur, on a tous réussi dans notre vie, c'est pour ça que j'ai réussi quelque part dans ma tête, parce que j'ai pas envie de rester dans le trou. Et je voulais sortir de mon trou, mais je voulais pas aussi me plaindre à chaque fois à longueur de journée et à dire que c'est la faute à celui-là ou à celle-là. Alors du coup, je me suis mis sur moi et puis je me suis dit, il faut que je me sorte de là et puis voilà quoi. Maintenant, c'est son nom qui est écrit en gros devant la porte du plus grand salon de coiffure des Hamptons. How are you? Nice to see you. Aujourd'hui, c'est vendredi, le jour d'arrivée des New-Yorkaises qui débarquent en masse pour le week-end. Le coiffeur se prépare pour une journée marathon. It's busy already, and then I saw the weather, and I'm like, oh, yeah, yeah, yeah, really definitely. Busy today. Oh, it's good. It's good. So, yeah, yeah, yeah, we'll be good. And just smile. I'm gonna try. Yeah, yeah, yeah. I will. I will. Bon. Ouais, on se prépare. Ça y est, j'ai mes ciseaux. Alors, faut que je monte mes ciseaux quand même. Ciseaux, je m'achète une paire de bons ciseaux tous les ans. Une nouvelle paire. Ça, c'est mes nouveaux paires de ciseaux. Elles sont faites pour moi. Elles étaient forgées pour moi. Et c'est du top. C'est japonais. C'est excellent. C'est du top, du top. Elles sont à ma taille, elles sont faites pour moi, elles sont faites pour mes doigts. Et il n'y a que mes doigts qui touchent. Donc j'adore. Chaque paire de ciseaux sur mesure coûte près de 2000 euros. À partir de maintenant, le coiffeur va enchaîner les rendez-vous. Toutes les demi-heures. How are you? So, let's talk about your hair, madame. Yeah, and could you make it a little lighter? Little lighter? Yeah. Because I go in the sun. And we're going to cut it a little bit. A lot. Right, we're going to take some of that. All right? Yeah. Okay, great. Okay, we're going to set you up. Trudy, can you set my client up? Sous ses airs décontractés, Xavier est sous pression. Prépare la couleur. La bêtise n'est pas autorisée, hein. Surtout pas. N. Voilà, alors tu le mets comme ça, ça ne tournera pas rouge. C'est vraiment de la camistrie en fait. Parce qu'une connerie comme ça, on transforme les cheveux rouges à une personne qui a les cheveux noirs, ça va foutre la merde. Et là, il n'y a pas de moyen pour essayer d'arranger l'histoire. Donc automatiquement, ce qui peut se passer, c'est que la cliente vous fait un scandale devant tout le monde. Et voilà. Et puis on a une réputation d'idiot quoi. Et elles aiment bien faire des procès pour ça, non, les Américaines? Pour ça? Ouais, ouais, c'est terminé. C'est terminé pour moi. Devant les clientes. Ok, madame. Plus question d'afficher ses doutes. Yeah. So what's new? Xavier a débarqué dans les Hamptons à l'âge de 20 ans pour passer des vacances chez son frère qui travaillait dans l'immobilier. Il n'est plus jamais reparti et aujourd'hui, il est fier du chemin parcouru. J'avais une maîtresse dans mes CE2 qui m'a dit que j'étais un cancre et que je ne réussirais jamais dans ma vie. Alors, si jamais elle regarde la télé, je vais lui dire qu'en une journée, je fais ce qu'elle fait en un mois, au niveau financier. Et j'ai probablement travaillé et voyagé le monde et vu des endroits qu'elle, elle n'a rien vu. C'est une belle revanche, ouais. Xavier évolue comme un poisson dans l'eau au milieu de sa clientèle new-yorkaise. Il sait que sa popularité doit aussi beaucoup à l'engouement des New-Yorkais pour la culture française. Les Américains adorent les Français. Adorent les Français. Ça m'a beaucoup aidé pour commencer en tant que coiffeur ici, quoi. Pour Nora, américaine qui a vécu à Paris, le savoir-faire de Xavier a fait la différence. Et les riches New-Yorkais ne s'y trompent pas. Il y a quand même une certaine sophistication ici. Puis ils aiment bien quand ils voient des gens qui sont un peu plus sophistiqués, bon goût. Même s'ils n'ont pas toujours bon goût, ils reconnaissent le bon goût. Avec un client toutes les demi-heures, les journées de Xavier respectent une mécanique bien huilée. On va voir que ma prochaine cliente. Au moindre grain de sable, comme une cliente en retard, le coiffeur bouillonne. Une minute de retard, c'est important. Alors, je perds mon temps. Thank you, Tuli. Muchas gracias, amor. Ben ouais, moi, le stress, pour ça, je suis même, parce que je vis sous le stress, moi. C'est bon, c'est l'Amérique. Ah, ben là, voilà. Hi, Karma. Ce rythme effréné, c'est le quotidien de Xavier. Prochaine étape pour le coiffeur, lancer une gamme de produits pour les cheveux à son nom. Les clientes déjà fans devraient en raffoler. Première grosse commission. J'ai participé à des ventes, mais j'ai pas fait ma vente encore, ma propre vente. Ça faisait cette maison là-bas, elle est à 12 millions, mais ça fait un an. Je connais même des agents, et, avant de faire leur première affaire, ça a pris 2 ans. Voilà. Donc c'est pas donné à tout le monde. Bérangère pourrait bientôt voir sa carrière décoller. Son patron lui a récemment confié la gestion d'un contrat en or. Le luxueux complexe immobilier Toutrise, évalué à 140 millions d'euros. C'est un site avec 12 lots. Il y a des agents immobiliers qui auraient bien aimé avoir Toutrise. Ah oui, tout le monde s'est disputé. Hein. C'était la compétition. Ouais. C'est une grande chance pour moi, oui. Ici, on peut acheter une maison clé en main, mais aussi un terrain d'un hectare en moyenne, à condition d'y mettre le prix. Ce lot est disponible. À combien ? À 3,9. Celle-là est en vente. Elle est à 9,9. On va construire une maison de 500 mètres carrés, donc un peu plus petite, au mois de septembre. Ce soir, Bérangère espère rencontrer de potentiels acheteurs. Un cocktail est organisé dans une maison du lotissement, à l'architecture typique des Hamptons. Une demeure de 1000 mètres carrés, où l'espace n'est vraiment pas un problème. Plusieurs salons et 8 chambres, avec chacune sa terrasse et sa salle de bain. Bérangère rejoint l'équipe qui vient d'arriver pour préparer l'événement. Hey Chris, how are you? Nice to meet you. La maison est prêtée à un magazine spécialisé dans l'immobilier de luxe pour sa soirée de promotion. Des agents et des investisseurs influents sont conviés. L'ambiance se veut chic et décontractée, avec rosé et champagne à volonté, du caviar et même des massages. Pour Bérangère, c'est la vitrine idéale. C'est pas mal de gens dans l'industrie immobilière qui vont parler, qui connaissent peut-être des clients à New York, qui veulent acheter une maison, qui vont penser à eux en voyant cette maison. Donc voilà, c'est pour faire connaître la maison. L'opération relations publiques peut commencer. Can I help you? So you're with Brown Harris? Yes. Stevens? Yeah. Okay. You know? Yeah. Okay. Cool. Or if you know any buyers, please send them. Thank you. Bérangère continue de prospecter vers le buffet, l'endroit stratégique. What company? RA and Partners. RA and Partners. Yes, you met me, so we stay in touch. Okay, sure. That sounds good. Thank you. La jeune femme prend des contacts, mais toujours pas de riches clients en vue. Difficile de savoir qui est qui et de repérer le ou la millionnaire qui pourra s'offrir une maison de rêve à 8,4 millions d'euros. Chaque personne est un acheteur potentiel. How are you? Did you great like the house? Great party, you should come in here. Fabulous. Yeah. Did you like the house? The house is sensational. You're going to buy it? No, I don't think I have enough financial backing for that yet. But hopefully one day. Send us some buyers. Okay, I will. Give me a business card. Sure. Here. Do you know the price? Here. 9.9, right? 9.4. Where's your name? That's you? Yeah. Where's your cell number? On here? It's right here. Good. You have it. I got bye. Tout va bien. Mais il faut faire attention parce que pendant ces genres d'événements, il y a pas mal de pique-assiettes aussi, donc faut se méfier. Mais c'est vrai. Ils viennent pour boire un verre de champagne, avoir des sacs avec des cadeaux. C'est vrai, donc faut faire attention. Mais bon, c'est le jeu. C'est comme ça. Et on ne sait pas qui est qui, c'est ça ? On ne sait pas qui est qui. Ils n'ont pas de look millionnaire ? Non, ils n'ont pas de look millionnaire, justement. Quand ils essayent trop, c'est qu'ils ne sont pas. La vie ne fait pas le moine. Voilà le monsieur qui est là avec ses claquettes et son short. Ça, c'est plus un acheteur potentiel que... Ah oui ? Ah oui, ah oui, complètement. Ah oui, parce qu'ils viennent... Ils sont en vacances. Donc, ils sortent de la piscine, ils sont allés à la plage avec les enfants. Voilà, c'est... Mais c'est des banquiers, c'est des investisseurs. Donc voilà, ils sont en mode vacances. Une opportunité se présente peut-être pour Bérangère. Hey, nice to meet you. Oui. Yeah. L'un des invités a demandé à parler à l'agent immobilier qui s'occupe de la maison. This one is 9.4. That was right. This is really great. Yeah. This is really great. I own a couple of investments here in the Hamptons, but this one would rent for how much? The whole season? Yeah. I would say maybe like 250. Okay. Yeah. Bérangère a peut-être ferré un bon client. Il ne repartira pas sans prendre sa carte de visite. Il a un client qui est anglais et qui veut quitter l'Angleterre, acheter un appartement à New York et une maison dans les Hamptons. Donc, et investir, c'est-à-dire la louer l'été. Voilà, on verra. Dans les Hamptons, tout le monde connaît cette deux chevaux jaune canari qui sillonne les routes. C'est l'outil marketing favori de Pierre, un restaurateur qui joue à fond la carte du Made in France. À Bridgehampton, il a eu la bonne idée d'ouvrir son établissement sur l'unique national qui traverse le village, là où on ne risque pas de le louper. I thought your car was red. I have a red one too. You think as the blue one doesn't start? I'm trying to sell the red one. They made a new Mercedes S-Class convertible. They made 130 cars in the world. 30 of them came to America, so I got one. This is you fun. Have to come over here with that car. Okay, I'll park it in front. Ciao. Ciao. C'est pas mon coiffeur. Les relations publiques, c'est le quotidien de Pierre. Cet ancien pâtissier formé à l'école hôtelière a ouvert il y a 14 ans cet établissement à l'ambiance feutrée, devenu le restaurant français des Hamptons. Aujourd'hui, le maître des lieux est un peu une star locale. Il a même appris aux Américaines quelques coutumes bien françaises. Comme de se faire la bise. Very good. Yes, you like it? Very good. Good to see you. Je vérifie tout, je dis bonjour à tout le monde, je vérifie les réservations. On va voir un gros week-end qui vient là. On a déjà 250 réservations pour vendredi. Ce petit coin d'Hexagone, c'est aussi le repère des francophones, comme Ronald Gutmann, un comédien belge qui vit entre New York et les Hamptons. Bah alors, salut pas ? Tu vas bien ? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Just say hello. It's very sweet. Very good to see you. Good to see you too. Voilà l'élégance et la générosité des femmes américaines, qui sont le fond de commerce de Pierre. Un homme, regarde-le, charmant. Regarde-le, c'est le playboy, c'est le numéro un. C'est grâce à lui que ça marche ici. À ta santé. Comme le rosé. Là, c'est le rosé maison. Pour chaque bouteille vendue, je donne 10 dollars à une fondation. Mon Dieu. Une charité. Ça représente 12 000 dollars à la fin de la saison. Elle a 88 dollars. Donc, qu'est-ce que tu dis, 88 dollars chez toi, ici, là? Ouais. 88? Oui. Wow. Pour une bouteille de rosé, c'est vachement cher. Hein. Pas du tout. Et tu rigoles, arrête. Pour du bon rosé, c'est pas cher. Non, pour du bon rosé, d'accord. Non, mais un rosé, c'est pas, on parle pas de Pomerol 1980. C'est que 10 dollars de cette bouteille, 20. Oui, non, c'est très bien. Non, d'accord. Mais en Amérique, il faut give back. C'est ça l'idée. Or, Pierre, qui est un grand succès ici, a presque une responsabilité morale de faire cela. Et je ne savais pas qu'il le faisait de cette manière-là. 88 dollars la bouteille, ça peut paraître cher, mais c'est aussi pour la bonne cause. Dans les Hamptons, toute la vie sociale tourne autour de ces soirées de charité qui sont souvent l'occasion de se retrouver entre amis. Pierre a totalement adopté cette tradition américaine. Ce soir, il offre un dîner pour aider une association de défense des éléphants. On a toutes sortes de charités dans les Hamptons. On a le cancer, on a les enfants malades, on a la Croix-Rouge et on a aussi les éléphants. Donc là, on en est au début de leur projet et pour essayer de réunir des fonds, une charité pour pouvoir sauver les éléphants. Pourquoi pas ? La réception a lieu au-dessus du restaurant, dans son tout nouvel espace VIP, avec bar privé et ambiance lounge. Pour devenir membre à vie, il faut être un bon client, aimer le savoir-vivre à la française, mais aussi débourser la modique somme de 12 000 euros de droits d'entrée. Ouais, j'ai fait un dîner avec 12 personnes. Et ils avaient au bar, ils avaient un bar de caviar. Incroyable. Je crois que j'en avais trop de caviar, mais bon, ils ont tout bouffé. Pierre a tout mis en œuvre pour que la soirée se déroule sous les meilleurs auspices. Reste à savoir si les millionnaires sortiront leur chéquier pour aider les éléphants. Loin des embouteillages de la route nationale, Shelter Island, une petite île uniquement accessible par bac. C'est là qu'habite Marie. Bah, c'est un beau métro ici, hein. C'est un petit coin de paradis, hein. Je pense que si je devais comparer, pour résumer, les Hamptons, c'est Deauville et Shelter Island, c'est Trouville. Donc il y a quand même un côté beaucoup plus relax, moins m'as-tu vu, moins Ferrari. On n'a pas de Ferrari sur l'île. Il y a autant d'argent. Ah, un peu d'air. L'île s'étend sur 30 km carrés à peine, dont un tiers sont classés réserves naturelles. C'est le calme et la nature qui séduisent les millionnaires. C'est ici que Marie a commencé, en vendant des vêtements. Donc là, c'est la boutique où j'ai démarré. Toute petite boutique. Toute petite. Un petit peu en profondeur, mais toute boutique. Ça, c'est ma banque qui m'a aidée à me relever, mais à l'époque, elle n'était pas là, la banque. Il y a ma photo dans la banque. Il y a marqué « Success Story ». C'est eux qui m'ont donné mes premiers 10 000 dollars. Les 10 000 ont fait 20 000, les 20 000 ont fait 40 000, et voilà. « It's history », comme on dit, maintenant. Marie habitait à New York. Le jour de son déménagement vers les Hamptons, elle frôle la mort dans un accident de voiture. Après 2 ans d'hôpital, elle débarque enfin sur Shelter Island, où elle repart de zéro. Comme j'avais tout perdu, mais tout, mon fric, mon mec, ma maison, mes fringues, et je disais toujours aux gens, bah moi j'ai de la chance parce qu'au moins je démarre de rien et j'ai pas peur, puisque je n'ai rien à perdre. Et c'était vraiment au sens littéral du mot, c'était je n'ai rien à perdre, donc tout est possible. La Française monte d'abord 2 boutiques de vêtements, puis forte de son succès, elle élargit ses activités. Il y a 3 ans, elle a ouvert un café au bord de l'eau, devenu un rendez-vous incontournable sur l'île. Cookies, 24 cookies. Annabelle, t'as pris les cookies? Put some green, shit. Put some green with it. Star tomato mozzarella, por favor. Marie prend les choses en main. Dans toutes les langues. Come on, man, faster. Ici, pas de pain de mie américain. Les clients viennent pour la baguette et les recettes françaises cartonnent. Donc ça, c'est des Parisiens. Sandwich parisien, ils adorent. Du bon fromage. Benji, on fait des bœuf bourguignon l'hiver. On fait des pot-au-feu, des bœuf bourguignon, ils sont très friands. On en vend, en veux-tu, en voilà. Le week-end, le petit café traiteur accueille jusqu'à 500 personnes par jour. Les clients prennent à emporter ou mangent sur place des viennoiseries, des sandwichs ou des salades. You're welcome. You're welcome. L'attraction du lieu, c'est la cuisine, mais c'est aussi la maîtresse de maison avec son accent bien franchouillard. Sir, how are you today? Yeah, why are you coming here? Tell me why you coming here. Croque monsieur. Croque monsieur, you like the croque monsieur? The best. It's the best. We've got a great place here. Au départ, je pense que ça a été un petit peu difficile pour les clients d'apprécier mon caractère français un peu zizi Jean-Marc, un petit peu la gouaille de la rue quand même et donc je leur dis, tu vas quand même pas commencer à me faire chier à 7h du matin. Et je leur disais. Mais j'ai toujours le sourire quand je dis ça. Et donc, ils s'apercevaient que c'était mon caractère. Bah tiens, viens voir. Come here. See how I speak to him. Like, come here. It's like not an invitation. I'm very pushy, very honest. Sir, what do you think about my place? I think it's better than ever. It gets better every day. Illustre inconnu ou millionnaire comme Kenneth, un architecte new-yorkais de renom, tout le monde file droit. And you, that's all you have to say? This guy is a big shot, you know. He's. Well, I've tried to buy it, you know. He's trying to buy it. I've got to keep the price down. Marie connaît un succès grandissant et elle ne compte pas en rester là. Son prochain défi, préparer un catering pour 150 personnes. Une première pour sa petite entreprise. Bonjour. Bonjour, entrez. Ça va ? Très bien, et vous ? Très bien. Vous voulez savoir un peu plus sur la maison ? Oui, alors vous désirez la vendre, c'est ça ? Oui, oui, oui. D'accord. S'il y a un acheteur. S'il y a un acheteur. Voilà. D'accord. Parce que c'est une maison tout à fait spéciale ici, quand même. Oui, je vois. C'est pas n'importe qui va acheter ça. C'est pas traditionnel Hampton. Donc, Michel Berti, ancien PDG et fondateur de Capgemini aux États-Unis, a fait construire ce bien il y a 20 ans. Pas question pour lui d'acheter en préfabriqué. Ce collectionneur d'art voulait une maison de caractère. Tout est en bois et c'est très transparent. Plusieurs travaux d'agrandissement se sont succédés, dictés par les goûts et les envies du couple. On a fait ici, par exemple, un dîner assis pour 110 personnes. D'accord. Assises. Okay. À table, oui, oui, oui. Avec les maîtres d'hôtel, le bon service, etc. Donc, c'est immense, quoi. Et alors, en fait, il y a une deuxième partie. Alors, maintenant, c'est ça ? Maintenant, il y a une deuxième partie, une deuxième aile. Ça, c'est devenu la partie pour les invités. D'un bout à l'autre, là, c'est 30 mètres de long. Et là, c'est une partie plus romantique. C'est une piscine à déversoir. Cette longueur-là, ça fait 26 mètres. Donc on peut nager. D'accord. Là, le domaine de prédilection de mon épouse. D'accord. Où elle m'invite parfois. Donc, beaucoup de livres. Okay. Et alors, moi qui commence à m'essouffler, pour monter, j'ai un ascenseur. C'est très important. Alors, je vous invite. Allez. N'ayez pas peur. Voilà, l'accès au garage, là. D'accord. C'est un grand, grand, grand garage. Combien de voitures ? Pour y en mettre 8 ou 9, oui. 8 ou 9 ? Oui, vous ne croyez pas ? Non, c'est grand. C'est bien pour les... Un grand garage, c'est un atout pour Bérangère, qui connaît la passion des millionnaires pour les voitures de luxe. Effectivement, j'avais un ami qui collectionnait les vieilles voitures. Il était toujours en train de rechercher des garages chez les uns, chez les autres. C'est rare, un grand garage, ici, oui. Michel finit la visite à l'étage avec le clou du spectacle. La vue sur le jardin, ça vous fait mieux comprendre la maison. Donc ça donne une perspective. Magnifique. Voilà l'étage, comment on dit en français, l'étage des maîtres. Oh, quelle horreur. Bérangère semble sous le charme de cette maison au goût très français. Elle craint seulement que l'état du marché ne soit pas favorable pour vendre au prix attendu par Michel. Cette année, dans les Hamptons, il y a 20% de chute dans les ventes, donc ce qui est énorme. Maintenant, c'est le marché des acheteurs et pas le marché des vendeurs. Les petites maisons, en dessous de 2 millions, ça se vend. Ça se vend, comme des petits pains. Moi, on m'a dit, cette maison, il faut trouver de l'acheteur. Il y en a un ou deux par an, comme ça, mais il faut le trouver. Et la difficulté, c'est de faire connaître, pour trouver, pour que cet acheteur se manifeste. Pendant ce temps-là, Marie-Ève, la femme de Michel, s'affaire à la préparation d'une soirée de charité. Hello, hey. Nice to meet you. I'm Mrs. Berti. Thank you for coming. My name's Eric. Une soirée qui leur tient particulièrement à cœur. Elle est organisée au profit de l'Arche. Une association d'aide aux jeunes adultes handicapés, comme leur fille cadette Aurore, 26 ans. Ok, bon ben ça y est, donc voilà, tout est prêt et je vais me préparer. Plus de 80 invités sont conviés. Hi Jack, good to see you, my friend. À 18h, les membres de l'association arrivent. Hi Jean-Paul, ma mère. Hey my friend, give me five. How are you? Ce que Marie-Ève et Michel n'avaient pas prévu, c'est la séance de bricolage pour monter les bannières. At least this one was there. So that could be a beginning. Michel? Yes. On est comme des... Grand patron du CAC 40 ou pas, ce n'est pas toujours facile de monter des meubles en kit. Pas question de s'avouer vaincu. Tout doit être parfait. L'association se bat encore pour récolter 250 000 euros pour finir la maison qui doit accueillir les jeunes handicapés. Hey Jean-Paul. Jean-Paul, how are you? Hey my man. Veronica, how are you? Pour atteindre cet objectif, près de l'entrée, des formulaires de promesses de dons glissés dans des enveloppes, judicieusement pré-timbrées. Parmi les amis du couple, le promoteur new-yorkais David Valentas. Sa fortune personnelle est estimée à 2 milliards d'euros. So we said when we prepared this meeting, it's just a thank you meeting. Yes. So we don't ask for anything. But if you want to give. Yes. Et voilà. Viens voir le film. Oui, d'accord. Pour que les donateurs voient comment leur argent est utilisé, Michel a pensé à tout. C'est ce qu'on appelle work in progress. Un clip sur la maison et la progression des travaux tourne en boucle dans la salle de cinéma, sous l'œil bienveillant du couple Valentas. Ce sont eux qui ont offert les premiers 350 000 euros pour acheter la maison. Nous connaissons Aurore depuis qu'elle est toute petite. Et nous sommes amis avec les Bertie depuis des années. On n'a pas pu résister à l'idée de les aider. David a tout de suite dit « Je m'en occupe ». Il est très généreux. Je ne vais pas emporter mon argent dans la tombe, vous savez. Le cocktail semble un succès. Michel est rassuré. L'ambiance était bonne, l'objectif était atteint, c'était de dire... On dit merci à ceux qui nous aident, mais il y a toujours à faire. Les invités repartent avec ou sans enveloppe. Certains n'ont pas attendu pour se montrer généreux. Une bienfaitrice a proposé d'équiper entièrement les quatre chambres et leur salle de bain. Un joli cadeau de 25 000 euros. Retour chez Marie, où tout le monde se bouscule en cuisine. C'est le bordel! C'est ce soir qu'a lieu le catering de 150 personnes. C'est énorme, hein, les proportions. Il faut assurer le service à la boutique et préparer le buffet du soir en même temps. Et la brigade n'a que 3 heures devant elle. Give me another one. Donc là, c'est le travail à la chaîne. C'est pas facile, hein? Et la cuisine pour deux, c'est facile, pour quatre. C'est un peu moins facile. Pour 150, c'est l'horreur. Un petit peu l'horreur. Okay. Pour que ça soit bon, pour que ça reste de qualité. On peut dire que vous allez en baver ou pas? Ouais, on en bave déjà, on dort pas la nuit. Mais il y a pas toute l'île, mais il y a une partie de l'île qui va être là. Donc en plus, c'est notre réputation qui est en jeu. And salmon is cooked. Can you put it in? On s'est mis dans la mer tout seul. Mais... Il est là pour nous aider, elle est là pour nous aider. Voilà, coupe bien le poulet. Je vais chercher un plat. Mais là, problème, Leslie est en retard sur le timing et les potirons sont loin d'être prêts. C'est finito? Hein? Les plateaux, c'est finito, non? 2h30. Marie doit prendre les choses en main pour accélérer la cadence. Je vous sens un peu inquiète. Ouais, parce que elle est lente. Et donc, je pensais que ça serait déjà presque fini et c'est pas fini. Ça fait depuis ce matin que je lui dis... il faut que tu t'actives maintenant. Et après, elle pleure si je... Si j'y vais, je la brutalise, elle pleure. Donc on est dans la merde. Les potirons sont enfin au four, mais avec une heure de retard. Marie va devoir rester pour superviser la suite des opérations pendant qu'Annabelle, sa chef de cuisine, va commencer le service sur place. La soirée est organisée par la société historique de Shelter Island. L'ambiance paraît champêtre et bon enfant. Malgré cette décontraction apparente, la majorité des invités propriétaires de maisons sur l'île sont des clients de Marie. De quoi remettre un coup de pression à Annabelle. L'attention monte petit à petit. On n'a pas le droit à l'erreur. On peut plus reculer là. Le dîner doit être servi dans moins d'une heure. Lobster roll. Mais les plats chauds ne sont toujours pas là. Annabelle envoie les derniers petits fours. Marie fait son arrivée juste à temps, visiblement un peu tendue. That's corn. Oops. Yeah. Hello. That's corn. So you put, you separate, right? Le service va pouvoir commencer à quelques ajustements près. C'est quoi ce bordel? Ça, c'est quoi? Cauliflower, butternut. Et pourquoi on ne met pas deux plats, là? Si, mais deux plats. Si Marie est aussi exigeante ce soir, c'est qu'elle risque gros. Dans les Hamptons, le bouche-à-oreille va très vite. Les gens peuvent être cassants, ici? Ah oui, ils sont méchants. Ah non, non, ils sont méchants. Non, vous rigolez. Non, non, je rigole pas. Non, non, ils peuvent être très méchants. Non, non. I'm ready. My doctor. Oui, c'est vrai. I only care for you. Thank you. I have everything you need in my car. Thank you. On peut très bien, c'est comme ça. I'm beautiful. It's a little bit beautiful. You're beautiful. Donc, elle porte une de mes robes. Ils peuvent être super gentils, comme ils peuvent être super cassants, et ça, c'est vraiment un risque. Bon, je vais travailler, hein. Mais pression ou pas, Marie n'en perd pas son humour légendaire. Is this good? No, it's disgusting. Oh, that's perfect then. Elle saura dans moins d'une heure si sa cuisine a plu aux invités. Chez Pierre, les premiers convives pour la soirée de charité en faveur des éléphants viennent d'arriver. So let's have a drink at the bar. Yeah. Allez. Shall we go for the blue bottle? Let's go for the blue bottle. Michel et Marie-Ève Berti sont là, comme Andrew Sanders, l'un des plus importants magnats de l'immobilier. La valeur cumulée des propriétés qu'il gère dans les Hamptons dépasse les 2 milliards d'euros. C'est Alexandra qui va plaider ce soir la cause des éléphants. Marie-Ève, ton éléphant, voilà. Tu es ici. Christina. Et c'est Pierre qui va présider la soirée et jouer les animateurs. Thank you very much. Thank you for all coming. Santé, santé, bonheur. So tonight it's about charity and elephants. So now you're going to explain us why we have an elephant in the room. Alexandra commence son opération séduction. L'association qu'elle représente a besoin de fonds pour préserver les éléphants d'Asie dans leur habitat. Malheureusement, les éléphants et les humains sont en conflit. Chacun se bat pour son espace vital. Chaque jour, les éléphants tuent un homme. Et chaque jour, les hommes aussi tuent un éléphant. Il faut sauver les éléphants d'Asie. Mais après le discours, la soirée prend une tournure inattendue. Habilement, Marie-Ève en profite pour rallier son voisin de table à sa propre cause. And it's incredible, you know, Americans are giving. So generous. Mm-hmm. And you yourself told me you would be helping me. And that. And so sign. You know. Sign. Thank you. I don't need to sign. It's okay. No, no. No, he doesn't. I believe him. Un homme adorable et estimable. On va s'assurer qu'il fasse un chèque. Et sinon, on sait où le trouver. Alexandra a décroché un article sur son association dans le magazine Branché, dont Christina est la rédactrice en chef. Finalement, la soirée profite à tout le monde, sauf peut-être à Andrew Sanders, qui va devoir sortir son chéquier. C'était parfait. Ça s'est très bien passé, comme d'habitude. Je suis touché par cette cause. Vous allez donner pour la cause des éléphants et aussi pour celle de Marie-Ève ? On va donner pour tout le monde. Il faut savoir rendre, vous savez. On vit dans ce magnifique endroit qu'est les Hamptons. Il faut savoir rendre. Savoir rendre, c'est la devise des millionnaires américains. Sur Shelter Island, le dîner servi par Marie touche également à sa fin. Le moment choisi par l'organisatrice pour livrer le verdict tant attendu. I have to tell you, the food this year was just wonderful. It's the best food we've had since we've started this event. Thank you. Best food in 4 years. Thank you very much. And I'm not just saying that for myself. I've been walking around and everyone is just so pleased. Thank you so much. That mushroom pie. I'm going to cry now. No, don't cry. No, no. Don't cry. Yes, especially I am. Don't cry into the dessert. Please, it's stressed. Oof. I know. I was tense all day, even if I look relaxed. And you know, your staff was very nice. Thank you. Sure. Thank you very much. You thank you. Nice. That's enough now. Very good. Thank very good. Thank you. We love having you. Marie a relevé le défi d'organiser son premier catering pour 150 personnes. Un succès qui ne fait que confirmer la réussite des Français dans les Hamptons.